7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bandia la planeta, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable nuit. Aujourd'hui, on est le 3 mai. 3 mai, avec le soleil qui sera bien au rendez-vous au long de cette journée, avec quelques nuages sur la partie sud d'Orléans. Et du beau temps, ça fait plaisir. Les températures relevées du jour, 8 degrés. Et on va atteindre quand même les 20-21 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour bien démarrer cette journée mondiale de l'asthme, oui, l'asthme, faut pas oublier, une maladie assez pénible quand même, qui est toujours présente pour 4 millions de Français en France. Donc, si vous êtes asthmatique, prenez soin de vous, parce que là, avec le pollen et tout qui va arriver, ça va être un peu plus compliqué. Super Nature qui arrive. Et Sharon sur l'arc-en-ciel. Supernature. c'est lui le créateur du disco en France, Sharon, Supernatural, une grande famille. D'ailleurs, elle en faisait partie, Régine, qui nous a quitté ce week-end à l'âge de 92 ans, qui était aussi la reine des étoiles du disco en France et sur la planète. Bon courage à vous, si vous voulez arriver du côté d'Orléans, ça privé, Samantha qui est là ce matin. Salut Francky, belle journée, ça démarre très fort avec le disco. Bah oui, on est là ce matin, et les Black Eyed Peas, I got a feeling. 7h-9h, allez, Rossel, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous êtes arrivé du côté d'Orléans, Saint-Privé-Saint-Mémin, La Chapelle. On est en direct ce matin, 7h11, et puis je vous offre la compile Manga Story de Jean-Pierre Savelli ce matin. Vous m'appelez au 02-38-43-48-00, vous avez le meilleur des dessins animés des années 80 dedans, chanté par notre ami qu'on a reçu à la radio vendredi, Jean-Pierre Savelli. Appelez-moi 02-38-43-48-00 et je vous offre cette belle compile. Hey, dedans Goldorak, Albator, Xor, la légende d'Altarus, au pays de Candy, le Maya l'abeille, voilà, histoire de vous rappeler des bons souvenirs. Et bien 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard. Alan qui arrive, la version 2021 avec Wes. Belle journée, courage à vous pour le taf. Se rappeler les souvenirs comme ça, c'était sur TF1 à l'époque. Il nous a quitté malheureusement il y a 5 ans. Wes avec Alan, le petit remix 2022. Heureux d'être avec vous dans la radio, c'est Francky. Vendredi, il était notre invité, Jean-Pierre Savelli. Voici le premier extrait, son premier album et son nouvel album qu'on adore. C'est Una Terra, c'est Jean-Pierre Savelli, dit Peter dans Peter et Sloan. On l'adore sur la pensée. Écoute. Sur les notes de soleil, j'ai traversé la mer. L'horizon, tous les Jean-Pierre Savelli du Peter, nouvel album Unatera, c'est le premier extrait. Bon réveil, bon petit déjà vu du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers. Carole qui est connectée à Saint-Privé, Saint-Mémin, il y a du monde à Saint-Privé, c'est normal, on est numéro 1 là-haut. Voici Sonal Legend et la reprise de Maniac. C'est Francky dans la radio et on est là avec le soleil aujourd'hui jusqu'à 20 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre le matin sur Orléans, Pithiviers. J1 aussi, on nous écoute sur le net. Voici la version remix d'Espacito. C'est Daddy Yankee. Belle journée et courage à vous pour le taf. Laurent qui va bosser ce matin. Salut mon Lolo. Bon courage pour la route. Nicole qui est là aussi, Nicole de la radio. Jean-Pierre Savelli qui nous écoute sur le net aussi. Salut Jean-Pierre. On est heureux d'être là. JP aussi qui est là. Sandrine, il y a du monde ce matin. Merci d'être aussi nombreux. son las grites, ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Votre réveil matin, c'est Francky. Francky dans la radio, 7h25, il y a du monde qui vont bosser ce matin. Allô, qui va là, je te prie, bonjour. Salut. Ça va les filles? Ça va et toi, grand? Eh ben écoute, en pleine forme, 7h25 en direct à la radio. Vous allez au taf ce matin, les amis? Ouais, bah là, on descend de la voiture, on va boire un petit café. Ah voilà, c'est le rituel ça du matin, le petit café? Toujours, ça fait du bien. Bon, vous allez bosser du côté de Saran, je crois, c'est ça? Exactement. Voilà. La plus grosse boîte de Saran. Voilà, une des plus grosses boîtes, et ben voilà. C'est quoi la première chose que vous faites quand vous arrivez au boulot, les gars? On boit le café. Ah oui, et après, au boulot? Non, café clope. Ah ouais, ça, la clope. Ah, c'est pas bon pour la santé, la clope. Hein. Moi, je fume pas, mais je prends ma pause avec mon collègue. Ah, t'en profites, en fait. Exactement. Bon, ben, on vous souhaite une belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Hein? Courage pour le taf. Merci, toi aussi. Salut, Lisa. Salut. Belle journée. En direct ce matin, 7h26, avec du son qui arrive, Bruno Mars. Et je suis triste parce qu'il y a des membres du groupe de Rosin on Fire qui est décédé, c'était la semaine dernière. Je viens juste de le voir et je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave. On se les écoute, les Rosin on Fire. Boogie, Boogie Wonderland. Belle journée sous le soleil de la radio. Into heart, the mid-boogie ça rappelle les années 80, ça. Bah ouais, ça me donne envie de danser ce matin. Ouais, je pense à mon barbecue, Dimitri. T'inquiète pas, mon ami, je passe au magasin tout à l'heure. On est en direct. Et je fais mes petits règlements de compte en même temps. Bah ouais, 7h29, heureux d'être là. La Manga Story, je vous l'offre là. Si vous m'appelez avant 8h, 02 38 43 48 00. Ce numéro du standard, vous avez les meilleurs titres de Jean Bersavelli, Albator, Goldorak, Xor. C'est bien ça pour les gamins. Et bien appelez-moi 02 38 43 48 00 avant 8h et je vous offre la compile Manga Story. Ça va vous rappeler même à vous, hein, peut-être des bons souvenirs de jeunesse. Il y a quoi dedans? Il y a Capitaine Flamme. Ouais, le prince de l'espace. La légende d'Actaris, les aventures de Capitaine Flamme, il était une fois l'espace. Au pays de Candy, Maya l'abeille. Ah, j'en place, c'est des medley. Le meilleur des années 80, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Voici Willy William. Te sens-tu-toi dans la gaieté? C'est à peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait t'oublier tout ta grain. Allô, bouge les reins, c'est gars là pour faire ta femme te la faire. Mette la joie dans tous les quais. Vini danser, pas bien topé. Ici, c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux c'est pour nous amuser. Mettre la foi dans tous les quais. Vini danser, pas bien topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cé. Avec ça, on vous emmène pas sous le soleil de la radio française au boulot. Ce matin, la porte du chantier, peut-être. Coucou à José qui est déjà au taf depuis 5h30. Ouais, livreur, chauffeur en camion. Et il nous fait un petit coucou depuis Saint-Privé. Voilà, y a du monde à Saint-Privé ce matin, Lyon. La vache. Saint-Jean-de-Bray aussi qui nous écoute. Et puis, en 2000, j'avais travaillé avec Organize. Rappelez-vous ce groupe, When Can't Value, un meilleur des souvenirs. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. On les adore. Organize. Take it, I'm still in love with you. Empty space, feel it's killing me inside. Yes, they tell my mind, made it back into my life. Can we talk about the love we felt before? Can we talk about that thing we won't need things won't change anyway. Can we rewrite? Every time I think about the way we used to live, every time I think of you and the love you used to give, makes my way you kiss it in my head. Can't pick up the phone, cause I feel so alone. Girl, I want you to know, want you to know. Let go, let me show you the way. Every night, every day, you're my love, you're my show, my soul. Can we talk about that thing we won't believe anymore? Can we go back to the time you used to love me every day? Now, believe me, I know things won't change anyway. Can we, baby? Can I talk about the way we met love every day? By the way you used to say when we were about to foreplay. Not your next big regrets get into my mind. You look so divine, Lord, I could I be so blind. God, I want you to know, want you to know. Let it go, lady. Let me show you the way, baby. Every night, every day, ever. You're my love, you're my soul. Yeah. Yes, I need you so. I need. On adore Organize. Can we talk about you? On est avec vous, c'est Francky à la radio. Et il joue de la guitare en direct le matin, c'est Monsieur Ferria. Bonjour Monsieur Ferria. Bonjour. Bandia, ça va? Ça va, et toi? J'ai vu une photo que tu m'as envoyée sur Messenger et tu joues de la guitare le matin, fais voir. Tu peux nous faire deux, trois. Un petit coup, hein. Un petit coup, vite fait, ouais, en direct, vas-y, fais voir qu'on se barre un peu. Allez. Ah ouais. Ça envoie du lourd. Ah ouais, c'est un petit coup. Hein. C'est rapide. Hein. Ouais. Ah oui. Hein. T'as appris à jouer où la guitare? Hein? À l'école. À l'école. Ah ouais, ok. Et là, ce matin, bah, t'es en repos, donc tu t'es dit, je vais l'appeler, je vais jouer un petit bout de guitare. Hein, sympa. Je tape. Voilà. Voilà. Bon, c'est quoi le programme? Parce que j'ai vu qu'il y avait un baby foot à côté, donc. Voilà, on joue un petit coup avec les enfants, et après c'est le vélo. Hein. Et après c'est le vélo, c'est ça. Et bien, ça fait du bien pour la forme en tout cas le vélo, hein. Bah oui, il faut. Ouais, c'est bien. En tout cas, encore en vacances avec les enfants. Aujourd'hui, ils vont à l'école, quand même. Oui. Ah oui, ouais. Il faut y aller à l'école, hein. Bon, on fait plein de bisous à la famille. Ok. La petite, elle va bien. La petite, elle va bien. Oui, va bien. Bon, bah fais plein de bisous à la famille, hein. Ok, d'accord. Toi aussi. Au revoir, Monsieur Ferria. Au revoir. En direct à la radio, vous pouvez nous appeler ce matin 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, laissez notre message. Et puis on a un carrossier qui cherche, eh bien un carrossier, c'est super important, c'est super urgent. Si le job vous intéresse, eh bien vous m'appelez à la radio 02 38 43 48 00. On cherche du boulot ce matin. Bah ouais, carrossier, pas mal. Allez, le tube qu'il vous faut, Yant. Je vois que toi, tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi.

7h46 sur la Bruxelles, belle journée sous le soleil de la radio et ça fait du bien de retrouver un peu de chaleur. La météo. Le ciel aujourd'hui sera ensoleillé avec quelques petits nuages sur le sud d'Orléans, mais les températures sont plutôt pas mal, 8 degrés au lever du jour, et on va dépasser les 20-21 degrés, ça c'est la bonne nouvelle, et ça va perdurer quasiment toute la semaine. Voilà, du son pour vous réveiller avec Kongs, le DJ toulonnais qui cartonne en ce moment sur toute la planète. Clap your hands, belle journée sous la radio arc-en-ciel, 7h47. Qu'il vous faut le matin pour aller affronter votre patron. Kungs, hey, vive la France, hein. Ouais, il est toulonnais le gars, il cartonne hein, depuis une dizaine d'années. On l'adore, clap your hands. Un petit tour de, du côté des vacances justement pour vous rappeler quelques bons souvenirs dans les années 80 quand on allait avec la Renault 12 en Vendée avec les sièges en sky derrière qui faisait très chaud. Voici la Madone sur un arc-en-ciel.

Rodrigo Ace, la prise de Bruel. Je t'aime. I love you. 8h01, l'horoscope. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, on démarre avec les béliers ce matin. Ce n'est pas le moment pour vous aventurer sur des terrains inconnus. Les taureaux, les célibataires, la joie de vivre revient en force. Les gémeaux, si vous êtes libre, une nouvelle troublante pourrait venir perturber votre matinée. Les cancers, vous allez être bien inspirés par l'organisation de votre travail aujourd'hui. Ah, ça tombe bien. L'horoscope pour les lions, votre ciel amoureux sera provisoirement dans le brouillard. Les vierges, essayez de vivre des moments d'harmonie avec votre entourage. Les balances, une journée assez orageuse côté cœur. Les scorpions, les loisirs communs seront limités mais resteront avec plaisir de l'harmonie. Ah ouais, ça va être bien aujourd'hui les scorpions, vous allez bouger. Les sagittaires, vous vivrez des moments très intenses aujourd'hui, alors profitez-en. Les capricornes, les relations avec les enfants et amis sont tendues aujourd'hui. Les verseaux, vous n'aurez aucun tabou dans vos rapports amoureux ce matin. Ah, bah profitez alors. Et les poissons, ambiance familiale, tonique et animée dans laquelle vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Bah ça tombe bien les poiscailles. Bruno Mars qui arrive, on aura oh, amour, amour. Belle journée sous le soleil de Radac-en-Ciel. Et ça fait du bien jusqu'à 20 degrés. Salut Coco qui est connecté du côté de Saint-Privé. Saint-Mémin, il y a du monde à Saint-Privé aujourd'hui, je peux vous le dire. C'est parce qu'il y a eu le bal de la radio, c'est pour ça. Bruno Mars. Ce mec, Bruno Mars, Hey, just the way you are. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, 8h06. Pascal qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Mémin, qui nous écoute sur le 96.2 FM. Salut Pascal, belle journée à toi. À ta femme aussi qui fête ses 41 ans, Julie, aujourd'hui. Happy birthday to you, direction Marseille. Et vous les adorez, toute la bande à Jules qui arrive en bande organisée. Bah ouais, pourquoi pas. 8h06. Ton body, ça prend ta gadget, ça prend ta CV. Téléphone bip, tu prends la kéo. C'est Marseille, bébé. Ça m'est rassé, bébé. Moi, je suis en masse. Tranquille ou pas? Crème dans la top. J'ai 0 à 100, c'est son poids. Guitarisé, oh, un CDZ. Oh, on se croit, c'est sûr, t'es tétanisé. La batterie qui dort, deux mois puis je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, tu es un emploi, je viens de la quitter. Je suis le capitaine. Je l'ai décapité, c'est pour la capitale, c'est Marseille bébé. Un 3 au G-Sport, je passe la douane et l'emporte. Ta mère sur la canne pierre, et t'es mort sur le vieux port. Oui, à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Ta mère sur la canne pierre, et t'es mort sur le vieux port. Je suis la femme fantasme sur un scooter quitté. Oublie là, c'est une vitale, t'as quitté. Tu es ailleurs, c'est dans mon gars, tu es cité. Depuis tout à l'heure que ça me nique mon piqué. Rafale, flow, pas ou chaos. C'est tes potes qui se livrent face au chaos. La moto, elle se brème, brème, brème, brème. Toujours la demande à Tito. Je donne game ou claquette sur mètre. Je vois que les poils qui pendent de moi sur mètre. Je suis tout sur la petite de toi sur le bête. Au fait, ton grève, envoie les zéros sur le deck. T'es toqué pas ça. T'as la cabeza. Irradata. Poulez ma pizza. T'es toqué pas ça. T'as la cabeza. Pourrais m'en faire ça. Plus besoin d'aller chez la poste. Depuis que tu fais dans les platines. Et si tu claques pas leur pote, c'est leur mère qui parle moins de la team. En moins d'organiser, personne ne nous canalise. Dans la zone, tu fumes la fusée. C'est par les points d'analyser. Hasta luego, pesa. Hasta luego, pesa. Hasta luego. Hasta luego. C'est que je viens de Carcara. On rappe depuis les portes Cara. La technique, le flow de ma rap. Parti sous mon auto parade. Chercher un cash marrage, je m'envoie une frappe, un barrage. Je vais couler sans mascara. Le truc, le S. Genre le RS. Tu me casses les fesses, elle est belle et qu'elle m'a PS. Le truc, le S. Genre le RS. Tu me casses les fesses, elle est belle et qu'elle m'a PS. Yo, cesse ton baratin. T'es qu'un fils de baratin. Je commence le rap avec 7 et 3. À la rivière, j'ai touché la quinte. Yo, je vise vers le platine. À la base, c'était les assises. Je fais de sympa. Chauffe un Ricard à boucher. Les trafiquants dans le bâtiment cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir, plus de froid, c'est ta zone. Go. Et ça fait soupa, café, oh. Café, oh. Carnaval, je suis dans le bas de la tête. Visité par la banale. Et ça fait soupa, café, oh. Café, oh. Carnaval, je suis dans le bas de la tête. Visité par la banale. h 09 toute la bande à Jules, on organise direction Marseille, planète, du son qui arrive pour bien vous réveiller, vous emmener au bureau ce matin sur le chantier. Estelle qui est connectée du côté de Saint-Privé encore, bah y en a décidément. Salut Estelle, belle journée. À Olivier aussi, Doudou qui nous écoute du côté d'Olivier. On lui souhaite une belle journée, qui est déjà au taf dans les bureaux là-haut à la mairie. Bah salut la mairie d'Olivier. DJ Mams pour les souvenirs. Decade. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h. Le matin, c'est bien. Et c'est Francky. C'est le nouveau Purple Disco Machine Rise. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio 8h16. Salut la famille d'Olivier qui est réveillé, c'est avec le clébard dans la voiture. On est heureux de vous retrouver ce matin, 96.2 FM. Le réveil avec le sourire s'il vous plaît. Vous qui allez bosser, voici une reprise de Jean-François Maurice. 28 degrés à l'ombre et vous adorez déjà, j'en suis sûr. Ça sent l'été, hein, sur une plage. Cocktail, sans alcool bien sûr le matin. Bah oui, au bord de la piscine peut-être, hein. Sinon dans le mamam. Belle journée, bon courage à vous pour le taf. Soleil. est bien ce matin, 28 degrés à l'ombre. Et pas 28 aujourd'hui, mais 20 degrés. Et 21 même, hein. Ça va plutôt être pas mal. Avec le petit chien dans la voiture. On salue. Allez, Marc-Olu. Heureux d'être là, c'est Francky. Avec la famille du collectif. Et juste avant, mon poteau Alex Lebaille et le collectif métissé qui arrive. C'est la vie. Bah ouais, ils arrivent. Un nouvel album, Fiesta Loca, qui va sortir au mois de juin. Voici l'Orléanais, Alex Lebaille. Croisé dans la rue, m'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir de dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song I can. Les radios, sur toutes les grosses radios rock, il est joué Alex Lebaille la première fois. C'était chez nous, on lui fait plein de bisous. Et ça, c'est la grande famille, mes potos de Bordeaux. Le collectif métissé qui sort un nouvel album mois de juin. On aura Somar Eba au téléphone dans la semaine prochaine, tiens, mardi prochain. Il sera avec nous pour nous raconter justement ce nouvel album. Et on essaiera de voir Saint-Ange aussi du collectif. Voici C'est la vie. Mais nous on... Como está la cosa que afuera, que lloraría si tú me dieras la careta que bota candela. Mari, yo te quiero, Mari, yo te adoro, lágrimas en mis ojos, porque no te veo, lloro si estoy solo, lloro acompañado. Mari, ya no me controlo, quiero tenerte a mi lado, wow, wow, wow, quiero tenerte a mi lado, wow, wow, wow, ya no aguanto, estoy cansado. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, vos que le dale, dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, vos que le dale. Maquina, maquilla, alma en esquina, como ron que fina, ven asesina, suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Ya están casando el hotel y lo hemos salvete. Que se Rebecca, Don Omar avec Dale Don Dale. 8h30 minutes. Le soleil sera bien présent avec quelques nuages, les températures jusqu'à 20 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et normalement, ça devrait rester comme ça toute la semaine. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et un arrêt municipal a lieu dans le Périgord, c'est à Bergerac depuis le 11 avril. Ça pourra vous coûter 750 euros, c'est ce qui pourrait vous en coûter tous les propriétaires de chiens qui ne ramasseraient pas les déjections de leur animal. Imaginez-vous, 750 balles sur un, c'est pas le petit caca, ça se passe dans le Périgord et à Bergerac, voilà. Donc attention, soyez prudents par là, hein. Ça va vous coûter cher, très cher, hein. Mon poteau du jour là, qu'on adore, Rodrigo Ace, Dime, Cité Vice. Dime si te va. Ciel, dis-moi si t'es vaste, dis-moi si tu t'en vas. Pas tout de suite, on est là jusqu'à 9h. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Et je vous file l'album Manga Story, le meilleur de, des années 80 dessus. Il y a Goldorak, il y a Capitaine Flamme, il y a Maya l'abeille, il y a Albator, chanté par Jean-Pierre Savelli. Vous m'appelez 02 38 43 48 00 et je vous offre cet album Manga Story, chanté par Jean-Pierre Savelli qui est venu à la radio. C'était vendredi. Que yo esté así, así lo quito por ti, solo. tú me importas. Te quiero encima de mí, yeah, yeah. Y es muy tarde si tú quieres escaparte. Ya no podrás cambiar de camino. Dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. J'ai pas eu le temps de finir de parler et qu'il a déjà appelé, c'est un truc de fou quoi. Monsieur Falaya, bonjour, Bandeya. Bandeya, rebonjour. Rebonjour parce que là t'as été rapide. Hein. J'ai eu à peine le temps de parler que le téléphone déjà commençait à vibrer dans les studios. T'as été le tout premier, il y en a eu trois autres après, mais j'ai décroché avant. Monsieur Falaya, l'album Manga Story est pour toi, pour tes enfants, c'est pas mal. Ok, merci. Hein. Tu vas écouter ça à la maison. Il y a dedans, il y a des vieux dessins animés hein, des années 80, Capitaine Flamme, Albator, Goldorak, Candy. Voilà, c'est bien pour les tout petits, pour leur faire rappeler des souvenirs. D'accord. Voilà, Monsieur Falaya, bah tu passes à la radio quand tu veux. Il est dans mon casier, il est prêt. Ok, ça marche. Allez, bon courage. Salut, toi aussi. Salut. Il était très très rapide. Hein. Oh, mort d'abord, ça arrive. Et Vivien Mevida, c'est Marc-Anthony sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. Bye. soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Chocolat, peut-être au café. Ah, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, c'est le nous appeler. Il y a un carrossier qui cherche justement un carrossier, un garage carrossier qui cherche un carrossier. Ouais, bah, en même temps, il n'a pas cherché un pâtissier. Hein. Si le poste vous intéresse, vous m'appelez 02 38 43 48 00, pourquoi pas. Bah, j'ai du boulot pour vous ce matin, David Guetta, le meilleur. Et 8h45, on vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Rallye Arc-en-Ciel. En direct, c'est le 96.2 FM. Bandé à la planète et la famille, il y a Francky dans la radio jusqu'à 9h et juste avant le Slobos et la Bamba. Fernando de Platas, sur la guitare. Los Lobos, c'est la bamba, le film. Oui, meurt à la fin. Bah ouais, tant pis pour vous. Hein. En tout cas, c'est le nouveau Philippe Pécura, mon pote, qui sort un album de Zouk, là, dans les bacs, et on adore. On va s'y continuer à zouker Philippe Pécura. Sortie. Dis-moi pourquoi, dis-moi pour qui. Tout le monde paraît aller laisser. Mais on vit, faut pas oublier. Il laisse ses traces dans le passé. Philippe Mécura, c'est son nouveau hit. Continuez, zouké, balancez le matin. C'est vrai que ça fait du bien, un petit peu de soleil comme ça, dans la voiture. Vous nous écoutez sur le 96.2 FM à Saint-Jean-de-Maurais. Salut à Laetitia qui est connectée. Salut Francky, belle journée. Merci pour ce petit zouk du matin. Bah ouais, ça fait du bien. Hein, écoutez-le, Philippe Mécura, bientôt notre invité au téléphone. On est heureux de vous envoyer du son à l'ancienne aussi. Ouais, pour tous les anciens qui ont été bercés dans les années 90-2000. Voici l'Alliance Ethnique et Respect. L'Alliance sera tellement funky. Vigna et Melka. L'esprit de l'Alliance est funky. L'Alliance sera tellement funky. Vigna et Melka. L'esprit de l'Alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On met le mille morceaux car les villes aussi, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. You learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself, and the rest will flow. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies. Respect yourself, respect the funk. je veux du respect pour le jeu. Bang bang, boogie boogie, hoogie hoogie, haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le style disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental n'en veut. Ouais, on fait partie. Magic in the mood, find yourself inside the groove. Music's what we really came here for. Chez nous, c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité. Et transmet le son, on l'a empêché piste au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vide et tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà. Le respect tout avant tout, c'est super important, hein. L'alliance ethnique, ah là là, ça me fait penser les années boom, ça un petit peu, hein, les souvenirs, on attendait sur la chaise pour danser. Belle journée avec du soleil aujourd'hui jusqu'à 20 degrés. La météo. Alors je me mate un petit peu là la météo de la semaine. Donc aujourd'hui c'est pas mal, 20 degrés, demain 21, jeudi la journée la quasiment la plus chaude 22, vendredi sera la journée la plus chaude 23 degrés. Samedi ça redescend un petit peu avec quelques nuages, quelques gouttes de pluie, mais dimanche on remet ça. Donc le beau temps devrait s'installer toute la semaine, sauf samedi, ça va être nuages, grisonnant, peut-être pas de barbecue samedi hein, mais en tout cas du barbecue, vous allez pouvoir en faire peut-être ce soir, peut-être demain, après-demain. Voilà, en tout cas le soleil est bien au rendez-vous. Au Portugal. Et oh amor, amor, et on l'adore. Oh amor, amor, amor, amor. Sur la colline d'Alcassova, j'ai beau chercher, tu n'es pas là. Je t'appelle et tu ne m'entends pas. Au mur de la fac de Coimbra, j'ai collé des photos de toi, tellement reine avec ses beaux yeux-là. Eu senti, je me sens comme perdu sans toi et bien puni d'avoir laissé seul tous ces mois. Eu senti, je me sens comme perdu, tu vois, et bien puni d'être éloigné de toi. Oh amour, amour, amour, amour, j'ai peur que ce noir dans l'eau. Oh amour, amour, amour, amour, c'est une mise à vie et pas un mort. Qu'implore les étoiles d'Estella. Les escaliers de Quebra Costas semblent avoir égaré ta trace. Je t'appelle et tu ne réponds pas. La nuit se lève, maintenant j'angoisse. Je tremble et ne tiens plus en place. Prie le ciel qu'il me guide jusqu'à toi. Et au Saint-Fi, je me sens comme perdu sans toi et bien puni de t'avoir laissé seul tous ces mois. Et au Saint-Fi, je me sens comme perdu, tu vois, et bien puni d'être éloigné de toi. Ligue mi amour, ton corpo me manque si fort. Ligue-moi, por favor, j'ai besoin de toi encore.